bâton, lui orchestré par un certain Salvatore Nyand. Le bourreau et la victime étaient tous, selon les mêmes sources, en état d'ébriété. Salvatore Nyand, lui, est déjà dans les mains de la police pour la poursuite d'investigation. Toujours ce lundi matin sur la colline Hina, le corps sans vie d'une femme connue sous le nom d'Emmanuela Luimana a été retrouvé pendu sur une corde dans sa maison. Les habitants nient la version de suicide, parlent plutôt d'un meurtre, car un trou où seraient passés les auteurs de ce forfait se fait remarquer sur des murs de la maison de la défunte. Un conflit mortier serait à l'origine de ce meurtre selon la population de la localité. Consommation excessive d'une bière locale prohibée, dite Barbe, ne cesse donc d'occasionner des dégâts sur cette colline et selon l'administration à la base. Même ce mardi matin, 700 litres de ce produit ont été saisis par la police. Trois hommes responsables de ce commerce illégal sont déjà sous les verres d'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Toujours page sécurité, 15 personnes ont été arrêtées par la police, accusées d'escroquerie. Le porte-parole de la police nationale fait savoir que ce groupe d'hommes et de femmes issus d'une organisation qui n'est pas connue par la loi, dénommée Association des victimes de violences, AVVC en sigle, escroquait des gens en leur disant qu'ils vont être amenés en Australie. À peu près 2000 dossiers avaient déjà été collectés. Une somme estimée entre 700 000 et 1 500 000 de francs burundais était exigée sur chaque dossier. Suivez Pierre Anhourikié, porte-parole de la police nationale. Il y a quelques jours, la population de Bujumbura a porté plainte à la police, arguant qu'il y avait une association à laquelle ces gens-là avaient donné de l'argent pour qu'on puisse les amener en Australie pour chercher une meilleure vie. Les plaignants disaient à la police que depuis qu'ils avaient payé cette somme d'argent, et ils ne sont jamais partis en Australie. Et ils voudraient que la police les aide à retrouver au moins la somme qu'ils avaient payée à cette association. La police a commencé l'enquête et ces plaignants lui ont indiqué l'endroit où opérait cette association. Qui s'appelle Association des victimes de violences en République démocratique du Congo. Curieusement, la police a constaté que cette association opérait au sein d'un établissement scolaire, au lycée municipal de Chibitoke, ici à la mairie de Bujumbura. Et arrivée sur place, la police a appréhendé une quinzaine de personnes et là s'est dit toutes ces valises qui sont pleines de dossiers des victimes. Et les dossiers ici, c'est autour de 2023. C'est ce que la police a pu saisir. Et probablement qu'il y en a beaucoup d'autres qu'ils ont pu cacher avant l'arrivée de la police. Et pour chaque dossier, pour chaque demandeur, on lui exigeait de payer une somme variant entre 700 000 francs et 1,5 million de francs burundais. Le porte-parole de la police nationale souligne aussi que parmi les victimes de cette escroquerie figurent aussi quelques cadres de certaines sociétés gouvernementales, car leurs dossiers font partie de ceux qui ont été retrouvés ces derniers ainsi que d'autres qui donnaient l'impression d'être riches, étaient obligés de payer à peu près 5 millions sur chaque dossier. Ainsi, la population doit être vigilante. Suivez encore une fois Pierre Anhourikié, porte-parole de la police nationale. La police nationale du Burundi informe le public qu'elle est également au courant des menaces d'attaques terroristes. Pierre Anhourikié, c'est le porte-parole de la police nationale. Il nous parle des menaces qui pèseraient sur certaines personnes suivies. La police nationale du Burundi informe le public qu'elle est également au courant des menaces d'attaques terroristes. Ce n'est pas la première fois que la police soit au courant de telles menaces. Vous savez que depuis que le pays est engagé dans les forces de maintien de la paix en Somalie, il y a le groupe terroriste Al-Shabaab qui a toujours menacé le Burundi d'y commettre des attentats terroristes. Ce sont des menaces qui ont également été constatées par certaines chancelleries au niveau des ambassades des États-Unis d'Amérique et du Canada au Burundi. On a aussi fait des alertes faisant état de possibles menaces terroristes. La police voudrait ici tranquilliser d'abord la population. Les forces de sécurité vont faire tout le nécessaire pour pouvoir prévenir de telles attaques sur le sol burundais.